Image et puis suivi du groupe Mona Tokin, Yom Heart, Yom Soul. Dans cette chambre d'hôtel, où viennent

titre tout simplement s'appelle Délivre-moi. Et j'ai peur pour tout contre moi. C'est l'époque, chacun pour soi. L'abîme en nous, accro de ça. Tu reviens, serrer les liens. À bout de souffle, je m'en fous. Ce soir, à partir tout simplement de 19h jusqu'à 21h avec Christophe, l'émission Electric Choc. Demain, vous allez retrouver tout simplement à partir donc du lundi au vendredi entre 7h jusqu'à 9h avec Frankie au réveil. Et puis juste après, donc bien mercredi, avec Victor entre 9h jusqu'à midi avec Portial en festin. Et puis dans l'après-midi avec Gloria entre 14h jusqu'à 16h avec la musique d'A. Voilà, donc, et puis en soirée à partir de 18h jusqu'à 19h30, traditionnel avec Violette. Et puis juste après, entre 19h30 jusqu'à 21h avec Christina. Voilà donc déjà pour aujourd'hui et demain. Thank you. Top Boy Baltimora, et puis juste après ce sera Michael Jackson. We'll be right back. s'appelle tout simplement ça. C'est vraiment toi. Avec téléphone. Mais autour de moi, tout tourne si rond.

tout simplement, eh bien, Shakira. Voici Grease. Et puis juste après aussi, on écoutera Donna Summer. Systematic. Hydromatic. Why the greased lightning? Grease lightning. I got chills. They're multiplying. Yeah. Carte de l'arc-en-ciel avec bien sûr les différentes chansons, les différentes, et voici Jimmy Cliff, on le traite tout à l'heure, mais voici tout simplement eh bien, Jimmy Somerville avec You Make Me Feel.

Bon, ils ont de la pluie ce soir, ils s'en foutent. Il y a des manches de téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est son radisco. Go, go, go, show Boris. Thank you.

Des émissions pour donc jeudi. Donc pour le jeudi matin, à partir de 9h jusqu'à midi, avec Vaz de Portugal, avec Armand Giraud. Et puis dans l'après-midi, à partir de 15h jusqu'à 17h, avec Chantal Groove Tropical. Et puis suivi de 18h, 20h, avec Sylvia, avec l'émission Pause Musicale. Et puis donc pour le vendredi matin, à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver l'émission de Lorenzo. Et puis juste après moi, vous allez me retrouver à partir de 13h30 jusqu'à 16h pour l'émission Souvenirs. La FM en couleur. Som de uma guitarra. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith de Orléans. Como a primeira vez. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, un amour de la femme. Voilà, donc un joyeux avec Ritza. Avec Porto Rico. J'ai déconné, t'as essuyé tes larmes et tu t'es envolé. J'y pense le soir en fermant les volets. Je t'imagine une dernière fois me pardonner. Je veux rentrer dans ta vie mais le code est erroné. Tu as tourné la page de moi, t'entends plus parler. Je vais de ville en ville, non pas pour me balader. Mais tu es ce diamant que j'aimerais dérober. Tu peux me fuir moi, oui tu peux t'éloigner. Tu peux m'esquiver. Je viendrai te chercher jusqu'à Porto Rico. Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme toi. Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme toi. Jusqu'à Porto Rico. Partout à croire que je suis parano. T'as changé de vie, t'as changé de numéro. Je t'imagine sourire dans les bras d'un autre. Ton parfum sur les draps ne cesse de me faire voyager. Autour de moi les gens disent que t'as déménagé. Mais j'ai ouvert les yeux quand les tiens se sont fermés. À l'autre bout du monde je te retrouverai. Tu peux me fuir moi, oui tu peux t'éloigner. Tu peux. jusqu'à Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Porto Rico, Porto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Jusqu'à Porto Rico. Et tu m'en veux, maman, t'es parti, toi, voyager. Et je m'en veux encore, je suis parti te retrouver. Et tu m'en veux, maman, t'es parti, toi, voyager. Et je m'en veux encore, je suis parti te retrouver. Jusqu'à Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. Jusqu'à Porto Rico, Porto Rico. Je te ferai fidèle comme ton nom. Porto Rico, Porto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout. Un morceau de Portugal, un petit coucou à Florian. Voici donc un morceau. Vamos ver o que estudar. Flash, flash, pra cá. avec tout simplement Willy Williams avec Paris et juste après Alonso, J'écris. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me combat dans Paris, je me combat dans Paris, je me combat dans Paris, Paris, Paris, je me combat dans Paris, je me combat dans Paris, je me combat dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam.

las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, pero solo te veo, solo te deseo, pero mira, Sofía, sigo en tu mirada, sigo, sigo en tu mirada, sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo. Mira, Sofía, sigo en tu mirada, sigo, sigo en tu mirada, Sofía.

Voici, je reste avec Barry White.

Deixa-me a roupa dobrada para o vestir de madrugada e prepara-me a marmita com iogurte e uma barrita para meio da manhã. Eu me lembrar da mamã que alimenta o incapaz. Mas eu sou um bom rapaz.